Radio Cayenne est fière de vous annoncer la naissance de son blog radiocayenne.noblogs.org. Radio Cayenne tout attaché .noblogs.org. Et puis évidemment en 2018 nous mettrons aussi cette intensité, cette ébullition collective au service de toutes les Nantaises et de tous les Nantais. Parce que nous croyons avec conviction à cette idée de l'égalité, au sens où chacun doit pouvoir choisir ses étapes de vie pour construire ses envies et ses projets. Alors très sincèrement, à chacune, à chacun, à Nantes, je souhaite une très belle année 2018, une année pleine de projets, de dynamisme et de bonheur avec les vôtres. Belle année à vous. On sur vous. L'occupation de l'école des Beaux-Arts n'aura pas duré longtemps. Cet après-midi, vers 14h, sur ordre de la préfète de Loire-Atlantique, 4 escadrons de CRS sont intervenus pour évacuer les lieux. Bilan, une interpellation et 3 blessés. Il est vrai que les échanges ont été vifs. Face aux slogans et aux invectives, quelques coups de matraque ont volé. Sa décision était attendue ce mardi. Le tribunal administratif de Nantes, saisi en référé par la présidence de l'université, a ordonné l'expulsion des occupants des 2 bâtiments situés sur le campus. Des migrants y sont logés solidairement depuis fin novembre. L'intervention des forces de l'ordre est donc désormais possible. Le 115, c'est un des premiers réflexes le matin. Cette femme l'a composé plus de 300 fois aujourd'hui, sans succès. Imaginez-vous avec le temps qu'il fait. Quand le 115 ne trouve pas d'endroit où, pour nous héberger, on est obligé de squatter là au château ou à Sensive. Parce qu'il n'y a pas d'endroit où on n'a pas de la famille ici. Donc c'est le seul endroit où on peut trouver l'endroit où retrouver un peu la chaleur et retrouver un peu le sommeil. Ils sont venus en groupe devant la présidence de l'université. À l'intérieur, une délégation intersyndicale a sollicité une réunion pour rétablir le dialogue et tenter de lever la menace d'expulsion. Et ils ont refusé que nous on assiste à leur réunion. Ça prouve combien de fois ils sont en train de nous écarter. Et c'est pas gentil. Nous sommes tous des humains. Selon un syndicat étudiant, l'UNEF, 200 matelas seraient installés dans l'enceinte, dont plus de la moitié à l'intérieur de ce château. Il cristallise toutes les tensions. 7h ce mercredi matin, des centaines de policiers et CRS investissent le site de la fac pour évacuer le rez-de-chaussée du bâtiment Sensive et le château du Tertre. Les bâtiments sont occupés depuis le mois de novembre par des migrants soutenus par des associations. À mi-février, le président de l'université, Olivier Labou, avait demandé à la préfecture de recourir aux forces de l'ordre pour évacuer les locaux. Hier, en fin d'après-midi, mise en œuvre d'une décision de justice. AXA, propriétaire du bâtiment squatté, en avait demandé l'expulsion. Près de 130 personnes, la plupart venues d'Afrique de l'Est, se retrouvent de nouveau à la rue. Toutes les personnes qui sont à l'intérieur et qui n'ont pas à y être sont invitées à quitter les lieux. Comme vous voyez, ça se passe tout à fait normalement. Les gens quittent les lieux. Réveil difficile pour les migrants du square d'Avier. Leur expulsion avait été ordonnée par le tribunal administratif la semaine dernière. Depuis, les 400 migrants qui vivaient là le savaient. La police pouvait intervenir à tout moment. Pour la plupart d'entre eux, c'est une énième expulsion dans leur parcours. Ce matin, ils ont été dirigés vers une salle polyvalente nantaise. Désormais, leur situation doit être étudiée au cas par cas. Le but, déterminer lesquels d'entre eux peuvent bénéficier d'une place en hébergement d'urgence. Une tente, des matelas, les quelques 250 migrants qui avaient trouvé refuge dans ce lycée de Nantes, inoccupé depuis des mois, ont dû laisser le peu d'affaires qu'ils avaient avec eux. L'évacuation a eu lieu ce matin vers 8h. Dans un communiqué, la ville de Nantes évoque que l'occupation de ce site est incompatible avec les travaux de désamiantage qui y sont prévus. Pour l'heure, les migrants sont repartis en plein centre de Nantes, dans ces tentes dont ils avaient été expulsés il y a près de 10 jours. Ce matin, c'est un peu avant 8 heures que l'opération d'évacuation a débuté. Un périmètre de sécurité interdisant l'accès du site aux médias et surtout aux associations qui n'étaient pas sur place au petit matin a été instauré. Plus de 200 membres des forces de l'ordre sont mobilisés. L'accès au square est refusé à certains migrants, comme Ahmed, qui dit pourtant vivre là sous une tente depuis 3 mois. La police ne veut pas que j'y aille. Mais moi, oui, je veux monter dans le bus pour prendre une douche, ne plus dormir dehors, manger. Un à un, les 600 migrants recensés et présents square d'Avier montent dans les bus affrétés par la TAN. Direction 4 gymnases mis à disposition par la ville. Le temps, disent les autorités, de trouver pour chacun une solution d'hébergement pérenne. Un nouveau départ, un de plus pour ces 34 migrants, après deux semaines dans ce petit bâtiment du parc du Grand Blottereau. Et pour ces jeunes hommes, c'est de nouveau l'inconnu, un inconnu accueilli avec plus ou moins d'enthousiasme. Si je me suis content, je ne suis pas content, ça ne fait rien du tout. Je n'ai pas l'ordre de me choisir là où je peux partir quand même. Certains hésitent à quitter Nantes où ils prennent des cours, ont des activités et surtout suivent leur dossier de demande d'asile. D'autant que pour partir, il faut se plier à un contrôle. Bonjour. Il faut vraiment vérifier pour tout le monde les noms, les prénoms, les idées. C'est ça. Que la carte corresponde avec les papiers d'identité. Merci, bon voyage. Nouveau conseil municipal prévu ce vendredi. Il y sera notamment question du dossier concernant les migrants avec une délibération sur l'engagement financier de la mairie. Et depuis le mois de mars, ce sont 4 millions d'euros qui ont été dépensés par la mairie et qui a d'ailleurs indiqué que la facture allait être envoyée à l'État. En attendant, nous prenons nos responsabilités, la ville, et je veux saluer les associations, les collectifs, les citoyens, bref, toutes celles et tous ceux qui considèrent qu'à Nantes, l'humanisme est plus fort que le reste. Les précisions avec Aïcha Bassal, adjointe à la vie associative, l'égalité et à la lutte contre les discriminations. Nous continuons effectivement à rechercher des lieux. Nous avons aujourd'hui plus de 700 migrants à loger. 700 migrants se trouvent aujourd'hui dans les gymnases. Donc nous discutons à la fois avec les propriétaires des biens, également avec les élus locaux. Nous avançons. Nous avons aujourd'hui des accords de principe qui ont été donnés, d'où les départs dans les prochaines semaines. Mais les recherches se poursuivent. Ça devrait prendre quelques semaines. Nous espérons qu'après les vacances de la Toussaint, l'ensemble des gymnase soit rendu aux associations, aux Nantais, aux Nantaises. L'Amérique a également confirmé sa volonté de conserver deux œuvres du voyage à Nantes réalisées par Philippe Ramette. Il s'agit de l'éloge du pas de côté que vous voyez sur ces images et de l'éloge de la transgression. Ce que vous venez d'entendre, c'est un condensé des expulsions qu'ont vécu les exilés à Nantes depuis moins d'un an. C'est loin d'être complet, il y manque l'expulsion de Bréa par exemple, l'ancienne EHPAD occupée suite à l'expulsion du château du Tertre et de la Censive à l'université de Nantes. Il manque aussi l'expulsion du squat de la Carterie la semaine dernière, il manque celle du jardin des Fonderies ou encore d'autres auxquelles la presse n'a pas été invitée ou alors n'a même pas daigné se déplacer. C'est pas complet non plus parce que il n'y a pas que des expulsions en fait que subissent les exilés. On peut parler des contrôles incessants dans le centre-ville de Nantes, des rafles, des flics qui confisquent les couvertures. On peut parler des espaces couverts qui sont gardés par des vigiles, d'autres espaces non couverts aussi gardés par des vigiles comme le square d'Avier gardé la nuit par des vigiles pour que personne s'y réinstalle. On peut aussi parler des exilés envoyés en centre de rétention, des OQTF, des expulsions du territoire. On peut parler des gens qui sont dublinés, par exemple. On peut parler d'un tas de choses. On peut parler des gens qui meurent aux frontières. Et puis, c'est pas complet aussi, parce que, bien sûr, il n'y a pas qu'à Nantes, en fait, que ça se passe. Il n'y a pas qu'à Nantes que les exilés se font expulser et harceler. Il n'y a pas qu'à Nantes qu'ils et elles n'ont pas assez à bouffer, parce que la mairie refuse de mettre suffisamment de moyens en place, en espérant que les gens galèrent trop et qu'ils se mettent, et qu'ils vont pas rester, en fait, dans le coin. En tout cas, ça fait que samedi 6 octobre, Johanna Roland, qui avait donné rendez-vous aux Nantais et aux Nantaises pour soi-disant discuter et surtout lancer sa campagne pour les municipales de 2020, s'est faite enfariner, mais ça on en reparlera tout à l'heure. On avait envie de revenir sur la semaine dernière, sur ce qui s'est passé la semaine dernière à Nantes. Pour les exilés. Eh bien super en fait cette présentation et ce récapitulatif. Et peut-être un peu pour illustrer en quelque sorte ce que tu viens de dire, on va lire un des derniers communiqués du CRAN. Donc le CRAN c'est une page Facebook en fait. C'est un acronyme pour Comité de Réquisition et d'Action Nantais. Et du coup le 7 octobre, le CRAN publiait un communiqué un petit peu de ce qui s'est passé depuis l'évacuation de Bréa jusqu'à la libération de personnes du centre de rétention. Donc je vous lis ce texte qui est retrouvable sur la page Facebook du CRAN. Jeudi matin, 7h, une armée de flics est déployée dans le quartier Gralin. Tout est bouclé. L'ancienne EHPAD de Bréa va être expulsée. Un matelas est brûlé en signe de protestation. À peine le temps de réunir leurs bagages que les copains-copines montent dans les bus affrétés à l'occasion pour les déplacer vers un centre de tri où sont remis à la rue sans solution de relogement. Étrangement, pas un mot dans la presse locale pour ces personnes qui se retrouvent sans toit. Sur place, on demande à des représentantes connues de Nantes Métropole Habitat comment récupérer les affaires des gens, comme l'insuline de cet homme. On nous ignore, on nous méprise. Dans l'incompréhension et le stress généré par l'expulsion, l'association France Horizon fait signe aux habitants de l'ex-EHPAD, fait signer le règlement du CAES. Donc le CAES, c'est un centre d'accueil et d'examination des situations, autant dire un centre de tri. Les exilés non francophones, pour une grande partie d'entre elles et eux, ne sont tout simplement même pas informés sur les conditions de semi-enfermement du dit CAES, qui n'est qu'un centre étape pour évaluer les situations administratives et donc trier entre les bons et les mauvais exilés. Trier des humains, comme on trie des marchandises. Voilà le credo des institutions. Toi tu iras ici, toi tu iras en CRA. Pas de quoi y voir une victoire. Rappelons que la mairie et la préfecture s'étaient gargarisées dans les médias la veille de la manif du 31 mars contre toutes les expulsions en promettant la création d'un centre d'hébergement inconditionnel. Eh ben, on est loin de l'avoir, ce centre. Et parlons CRA, justement. Cette opération de police est aussi l'occasion pour la préfecture et la mairie d'organiser une rafle. Un bus de 60 places est spécialement affrété pour le commissariat central de Valdec-Rousseau. Bien que terrible, l'ironie résidera dans le fait que le bus ira bien au Comico, mais avec seulement deux exilés à son bord, les autres camarades arrêtés ayant été transportés dans des voitures de police individuelles. Et il y a eu une petite douzaine, je crois, de personnes à être emmenées au commissariat. Devant Valdec, les soutiens, venus attendre une éventuelle sortie des camarades et surveiller les départs de véhicules de flics en direction du centre de détention, seront à trois reprises sous le coup de tentatives d'intimidation par les keufs, avec à la clé des contrôles d'identité et des photos prises avec un gros objectif depuis la fenêtre du commissariat. Bilan de cette journée macabre, une dizaine de camarades exilés seront interpellés, quatre seront incarcérés au CRA de Rennes. Une soixantaine de personnes n'ont plus de toit et plus de 120 personnes seront envoyées vers un centre de tri. Vendredi, donc le lendemain, tôt le matin, pour celles et ceux qui avaient trouvé refuge sous le square abrité des fonderies, le réveil est brutal. Arrosage des plantes allumées, vol des couvertures par les fonctionnaires de police et la mairie nantaise. Grille fermant l'espace et privant de l'abri ceux et celles qui dorment à la rue. Les expulsions et les arrestations ne suffisent pas. Les autorités continuent sans cesse de traquer et intimider les exilés et leurs alliés. Le soir, un rassemblement de soutien contre les expulsions, les incarcérations et déportations est appelé et réunit plus d'une centaine de personnes. Le cortège déambule dans le centre-ville sans l'omniprésence des Condés, passe par des rues piétonnes devant l'ancienne école des Beaux-Arts, qui est toujours vide et surveillée 24 heures sur 24 par une boîte de sécurité privée, puis passe devant la mairie de Nantes. On chante des slogans, on demande la libération des cramarades. On invective les agents de la TAN, réseau de transport actif dans l'expulsion du camp Square d'Avier. On chahute les flics dans les camions de CRS stationnés place du commerce. Rejoignant la distribution de bouffe ayant lieu devant l'hôtel Dieu, en chantant, là, c'est la provocation. Des flics en voiture banalisée s'arrêtent, ouvrent leurs fenêtres d'un air moqueur et commencent à commenter l'arrestation de nos amis la veille. Ni une ni deux, effervescence collective. Les manifestants sbeulent gentiment la voiture des policiers terrorisés. C'est marrant comme façon de raconter. Bref, un second véhicule de la police placé derrière se permet même de lancer une grenade lacrymo à main pour se dégager de la pression des manifestants-manifestantes. On est vénère, il y a de quoi. Samedi, crêpes et anti-rep. Au marché de la Petite Hollande, il y a du monde et du beau monde. Effectivement, la maire de Nantes, Johanna Roland, et son équipe sont présentes pour échanger avec les habitants-habitantes du quartier sur le thème de la participation citoyenne en démocratie. Ah ah. Pas de chance pour Jojo. Un mystérieux commando farine organise une attaque d'une extrême violence à l'encontre de la mère à l'aide d'une arme de destruction massive, du blé moulu. Voilà. Trop insupportable pour la classe politique et médiatique qui fait front commun pour condamner les violences. Avec effectivement de Rugy, en tête pour dénoncer l'attentat enfariné de ces militants extrémistes. Quelle blague! La violence, c'est celle que nous vivons dans le système de contrôle, de surveillance et de gestion des individus. La violence, c'est les politiques racistes appliquées par la ville et le gouvernement français avec son lot d'humiliation, d'exclusion, d'expulsion, d'incarcération et de déportation. La violence, c'est l'État et toutes les institutions qui incarnent les figures d'autorité et appliquent les lois sécuritaires. À Rennes, comme la journée précédente, une team de soutien part rendre visite aux camarades enfermés en CRA. L'après-midi, c'est le moment pour les copains de passer devant le juge des libertés de la détention à la cité judiciaire en centre-ville de Rennes. On va savoir si la procédure d'enfermement a été respectueuse des droits des personnes. L'atmosphère est tendue. Des flics de la police aux frontières sont présents en nombre dans les couloirs du palais de justice. 6 personnes passent en délibéré. Elles ressortiront toutes pour vice de procédure. La PAF est en PLS. Je lis, hein, je ne fais même pas des commentaires, c'est vraiment dans le texte. Le représentant de la préfecture de Nantes fait grise mine. Nos potes sont libres et ne seront pas déportés aujourd'hui. On rentre ensemble à la maison. Il y a de la joie, mais on ne peut oublier toutes et tous les adultes et enfants enfermés dans ces centres en attente de leur libération ou de leur expulsion au pays. No border, no nation, stop deportation. Voilà, c'était un texte à retrouver sur le Facebook du CRAN. Peut-être on va mettre un peu de musique et on passe à la suite. En attendant qu'on trouve de la musique, vous pouvez envoyer des petits SMS ou si vous avez des Facebook, des Twitter, des trucs du genre, là, dire à vos copains de venir nous rejoindre sur radio.antirep.net. Et aussi, tant qu'on est dans les petits messages, vu que moi, je sais pas, j'ai ce truc un peu d'ascenseur émotionnel à chaque fois que Jean-Marie Le Pen est hospitalisé en ce moment. Genre, est-ce qu'il va crever? Bah non, il meurt pas, mais on m'a un peu soufflé en off que c'était pas très probablement parce qu'il avait des procès en ce moment auxquels il avait pas trop envie d'assister. Du coup, bah, si vous êtes toujours en train de vous poser comme moi la question, est-ce que Jean-Marie Le Pen est mort et que vous aimeriez bien vous tenir facilement au courant, il y a un site qui s'appelle est-ce que Jean-Marie Le Pen est mort.info. Donc là, je suis dessus, je vais réactualiser, hop, F5. Est-ce que Jean-Marie Le Pen est mort? Non, Jean-Marie Le Pen est toujours vivant. 3 petits points. Voilà, je réactualise. non, toujours mort. Et honnêtement, s'il y a des copains, copines, copaines qui sont doués avec des trucs d'ordinateur, s'ils pouvaient faire une appli sur téléphone ou un truc qui envoie une notification sur le téléphone par texto, par push, n'importe comment, quand cette grosse flaque de merde meurt. Moi, je veux bien, ça me permettra d'envoyer des textos aux copains, en fait, histoire d'organiser une soirée bien, bien vite, parce qu'il y a besoin de faire la fête en ce moment. Allez, musique. Par contre, il faudrait aussi faire quelque chose. Est-ce que Marine Le Pen a eu un accident de voiture ou d'avion? Je pense que ce serait très utile. Je sais de glisser sur une peau de banane. I'm état-major des forces de la farine, front amidonné révolutionnaire intersectionnel nantais-nantaise exilé, revendiquons la frappe chirurgicale bio à l'endroit de la maire de Nantes, Johanna Roland. Si les différents allergiques au gluten de la scène politique s'en offusquent et parlent de violence, nous regrettons l'absence de soutien du camarade biocaporal François Dergy. Nous tenons à rassurer tous et toutes que la poudre utilisée pour la projection était bel et bien biologique. Nous condamnons l'utilisation des termes de violence, affirmant que notre action fut montée en réaction à des violences réelles sur le corps et les esprits des exilés nantaises. En effet, ces derniers jours, nous avons assisté à plusieurs cas d'emploi de force que nous ne saurions laisser sans conséquence. L'expulsion des exilés du square d'Avier, dont la plupart n'ont pu récupérer leurs affaires, se sont retrouvés parqués dans des gymnases, de véritables centres de tri semi-fermés. L'expulsion de l'ancien squat de Bréa, pour lequel maire et préfecture avaient promis un hébergement inconditionnel, s'est soldée par la remise à la rue de dizaines de personnes, un relogement précaire de centaines d'autres et l'incarcération de 4 personnes en centre de rétention administrative en vue d'une déportation. La traque des personnes n'ayant pas les bons papiers dans le centre-ville de Nantes depuis plusieurs semaines par les troupes armées de la préfète Nicole Klein. La traque des personnes à la rue à la recherche d'un square où dormir par la police municipale, nationale et la brigade anticriminalité dite BAC, à la suite de l'ordre donné par la mairie de barricader le jardin des fonderies. Le harcèlement de ces mêmes personnes avec vol à répétition par la flicaille de couverture. La rétention des tentes du camp de Davier prêtées par des assos et collectifs. La rétention des affaires personnelles des ex-habitants et habitantes de Bréa. Les 10 expulsions de lieux occupés en 10 mois. Les relogements précaires à l'autre bout du département, brisant les liens de solidarité développés à Nantes. Ne nous, nous laissons plus rouler, mettons toutes la main à la pâte. We'll be right back. Hola, hola, hola. Alors, le commando farine nous a donné un bon exemple de recyclage, réutilisation de la farine. Le meilleur, d'ailleurs. Après, il y a moyen de multiplier les formes de vie. Non, pardon, je rigole. Il y a moyen de multiplier les usages, de mixer les pratiques, comme on dit. Et du coup, à Radio Cayenne, on en a un petit peu sous le capot, quand même. Et on a peut-être des propositions à vous faire. Enfin, je crois que Pamplemousse avait des trucs sur quoi faire avec la farine. Oui, j'ai trouvé plusieurs astuces sur l'internet d'usages divers et variés. Et du coup, j'ai préparé une petite liste. Alors, pour commencer, ce qu'on peut faire avec de la farine, c'est qu'on peut l'utiliser pour s'épiler le duvet. Voilà, avec un mélange de farine complète, de lait, de curcuma et un peu de sel, on peut se l'appliquer et ça peut aider pour s'épiler le duvet. Ensuite, on a aussi des propositions de faire des savonnettes pour le linge et la peau en mélangeant avec du savon de Marseille 100% végétal, en faisant une petite mixture dont on peut trouver des petites recettes. Ça lave quoi, comme du savon, c'est plutôt pratique. Il y a des astuces aussi qui permettent de lutter contre les parasites. Là, c'est précisé du jardin ou du potager, mais peut-être ça peut aussi s'appliquer à tous ceux qui ont le RSA et tout ça là, parce que si jamais t'as Jojo dans ton potager. Y a aussi des propositions. Ça, c'est peut-être un peu plus connu de faire de la. On peut faire de la colle avec la farine, du coup en mélangeant avec de l'eau et en respectant certaines proportions. Et puis après, on peut s'en servir pour aller coller des affiches de Radio Cayenne dans la rue pour que. Les revendications du commando farine. Peut-être que ça peut faire du gel pour les cheveux de Johanna, pour pas faire son brushing le matin aussi. Oui, exact. Il y a d'autres propositions un peu beauté, tout ça. Il y a un shampoing à la farine de pois chiche apparemment, qui a l'air de plutôt être efficace. Et aussi un baume pour peau sèche, parce que je pense que c'est ce qu'on a dû se dire, le commando farine, ils ont dû remarquer que Johanna Roland était un peu sèche dans ses relations, du coup ils ont dû se dire... Je pense qu'en vrai elle devait pas beaucoup dormir avec tout ce qui se passe, et elle devait avoir le teint un peu brouillé, ils se sont dit on va lui faire un petit soin beauté. Et franchement le shampoing sec là, elle l'a eu nickel, hein, c'est... on fait pas plus sec. Mais en plus le gris c'est grave à la mode, hein, de quoi elle se plaint. Il y a une toute petite dernière astuce que j'ai recensée, qui est faire briller acier et cuivre. Voilà, donc pareil, en mélangeant de la farine et du vinaigre, on peut faire briller les casseroles et tous les objets en acier qu'on trouve pour qu'ils aient un peu plus de peps, quoi. Si tu veux faire briller ton pied de biche, ça peut être pas mal. Nickel. Nickel. Et ouais, enfin, il y avait aussi un truc, il y a une copine il n'y a pas longtemps qui a eu des souris chez elle et qui voulait pas les tuer, mais voulait juste savoir où elles étaient, comment elles se déplaçaient pour pouvoir repérer le petit trou par lequel elles entraient et s'en débarrasser. Et apparemment, une astuce qui marche bien, c'est de mettre un peu de farine à certains endroits près des murs et de voir les petites traces des petites papates de petites souris pour voir comment elles se déplacent, où elles vont. Du coup, je propose de faire ça, qu'on fasse tous ça dans nos maisons, dans toutes les pièces. Comme ça, on verra les pas de flics et les pas de Johanna Roland si jamais ils s'introduisent chez nous alors qu'on veut pas. Et sinon, vous pouvez faire ça en mode rituel de sorcière cool. Vous pouvez faire une petite cérémonie, allumer une petite bougie rouge et noire. Ou craquer un fumier, ça marche aussi, je pense. Et disperser des petites pincées de farine aux quatre coins de la pièce en relisant les revendications du commando farine. Je pense que ça marche assez bien pour éloigner les mauvais esprits pseudo-démocratiques de votre maison. Moi, j'avais une petite astuce parano, qui rejoint un peu ton astuce si tu veux voir si les flics ou Johanna Roland sont rentrés chez toi. En fait, tu prends du scotch double face, tu prends du scotch transparent, tu le roules pour en faire comme du scotch double face. Tu le mets sur ta poignée. Faut pas que ça dépasse, faut que ça soit bien collé pour pas que les flics le voient ou pour pas que Johanna Roland le voit. Mais c'est plus les flics quand même qui rentrent chez les gens que Johanna Roland. C'est plutôt Johanna Roland, les gens rentrent... Ah non, ça c'est De Rugy, les gens rentrent chez lui et Johanna Roland, les gens crament sa bagnole. Enfin bref, tu prends ton scotch, tu le mets bien à plat, tu le mets sur ta poignée et tu mets de la farine dessus. Et en fait, quand les flics vont arriver, ils vont touk-touk avec leur petite plume, ils vont ouvrir ta serrure, ça se voit pas, ils peuvent ouvrir, fermer. C'est un peu la merde. Par contre, pour ouvrir, ils vont être obligés quand même, sauf si ta serrure s'ouvre juste avec la clé, mais sinon ils vont être obligés de tourner la poignée ou de tirer la poignée. Et là, ils vont mettre leur main dessus et bam, tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'entrer chez toi. Et quand même, il y a plus, enfin, les gens qui rentrent le plus souvent chez les autres, c'est quand même plus souvent des keufs que d'autres gens, quoi. Ah, après, moi, je trouve ça cool de. Oh là là, petit chat dans la gorge, miaou. Je trouve ça cool de pimper un peu cette farine en mettant en proportion juste assez pour que ça se voit pas, que ça change pas de couleur en fait cette farine, de mettre du piment moulu, genre séché. Genre et... comme du gazopoivre, tu veux dire. Ouais, voilà. Bah, de toute façon, c'est la même molécule, c'est la capsaïcine. Hein. Ça n'a plus de secret pour nous. Voilà. Hop. Science. Et en gros, ouais, de mettre du piment de Cayenne en poudre. En plus, ça s'appelle Cayenne. Hey. Sponsoring, tout ça. En poudre dans la farine. Comme ça, je me dis que les keufs, ils vont toucher la poignée pleine de farine. Et puis, à un moment donné... ils vont se passer la main sur le visage et se frotter les yeux en se disant « Oh, il me fatigue, c'est gauchiste !» Double emploi. Pas mal. Vous savez, un peu comme dans le petit Nicolas, quand il décrit son papa qui est énervé et qui fait « Et là, mon papa a poussé un gros soupir et s'est passé la main sur la figure. » Et j'imagine les keufs faire ça et se mettre du piment dans les yeux, je trouve ça très drôle. C'est fini pour les astuces. Donc à suivre, une petite chanson dédicace à Jojo. 3 bigoudaines sont partis prendre le car. Farine de froment, farine de blé noir. 3 bigoudaines sont partis prendre le car. Elles vont à New York faire des crêpes et du phare. Gare de Quimper, Kenavo, au revoir. Farine de froment, farine de blé noir. Garde Quimper, Kenavo, au revoir. Essuyez vos larmes, agitez les mouchoirs. Il est midi, il fait encore tout noir. Farine de froment, farine de blé noir. Il est midi, il fait encore tout noir. Décalage horaire, le soleil est en gratte-ciel comme des sapins de Noël. Hello, good morning, monsieur l'agent. Where is the crêperie of madame Kerjean? Elles ont de la chance parce que du premier coup, elles ont rencontré un agent de police qui connaît très bien le quartier. You are lucky, j'y suis allé hier soir. Farine de froment, farine de blé noir. You are lucky, j'y suis allé hier soir. 60e étage au fond du couloir. Bas la pâte à crêpes et bas la pâte à phare. Farine de froment, farine de blé noir. Bas la pâte à crêpes et bas la pâte à phare. Faut travailler dur si tu veux des dollars. Et au bout de quelques mois, c'était le succès, le triomphe. Et McDonald's n'avait plus qu'à bien se tenir. c'est bon, d'où est que c'est bon. Fini les hamburgers, on veut des crêpes au beurre. Fini les hamburgers, on veut des crêpes au beurre. Tout New York fait la queue sur le trottoir. Les 3 bigoudaines sont devenues des stars. Farine de froment, farine de blé noir. 3 bigoudaines sont revenus en phare. Si vous voulez la fortune et la gloire, je vous dirai comment faire des crêpes et du phare. Oui, c'est toujours Radio Cayenne, pardon, désolé pour cette chanson, pardon, mais c'était pour la petite blague de la farine. On voulait vous raconter ce qui s'est passé du coup depuis ce fameux samedi d'intervention du commando Farine dont vous venez d'entendre la revendication. C'est pas eux qui ont écrit la chanson. Non, c'est clair. Du coup, ce qui s'est passé par la suite, donc le commando Farine, c'était le 6 octobre, si je me trompe pas. Je ne me trompe pas. Donc le commando Farine, c'était le 6 octobre, après hop, dimanche 7 octobre, lundi 8 octobre. Entre-temps, comme le racontait tout à l'heure notre camarade X1312, les personnes qui avaient été enfermées en CRA ont été libérées. Le 9 octobre, c'était mardi, c'était le jour de la manif, c'était intersyndical, jour de manif. En fin de manif, alors qu'il s'était quand même pas passé grand chose, à part les flics qui ont essayé de chourer la banderole de tête. Et qui ont gazé et tapé allègrement. Pour chourer la banderole de tête. Certes. Ce qui a l'air d'être une activité assez passionnante pour eux. En tout cas, après cette manif, en fait, il y a une personne qui s'est faite arrêter dans un bar par un certain nombre de flics de la BAC, donc de la brigade anti-criminalité, qui s'est faite étrangler. Du coup, de ce que racontent les gens, elle s'est faite soulever du sol en même temps que les flics lui faisaient qu'un flic lui faisait une clé d'étranglement. Elle a été conduite au commissariat. Elle a fait 23h30 de garde à vue. Donc cette personne est accusée d'avoir été présente lors de l'enfarinage de Johanna Roland et d'avoir insulté une élue présente, donc d'avoir proféré des insultes putophobes à l'égard de l'élue qui était présente. Insultes que cette personne nie en raison de la putophobie des insultes. Donc ça, c'était cette arrestation, c'était le mardi. Cette personne, elle est ressortie le mercredi. Le mardi ou mercredi, je ne sais pas si mes camarades, je crois que c'est le mardi, là où les flics se sont pointés à la cantine, à l'autre cantine à Nantes, qui est un espace où des gens préparent de la bouffe, ils préparent de la bouffe pour faire des distributions aux exilés. Pas que aux exilés d'ailleurs, mais prépare des distributions pour les gens qui galèrent à bouffer sur Nantes. Et du coup, leurs locaux ont été perquisitionnés, soi-disant pour rechercher en fait les personnes responsables de l'enfarinage. Et je pense qu'on peut dire aussi, enfin en profiter pour dire que l'autre cantine est une association qui cherche toujours des bonnes volontés. Il y a toujours besoin de coups de main pour aller faire la cuisine et les distributions, si vous voulez. En général, c'est tous les soirs vers Talensac maintenant, je crois, la distribution. Du coup, voilà, les flics sont arrivés à un certain moment là-bas avec des chiens, avec au moins un chien, en mode speed, tout ça. Ils n'ont pas trouvé la personne qu'ils cherchaient. Du coup, ils ont passé le mot aux gens qui étaient sur place que cette personne était convoquée. Donc on rappelle aux policiers, s'ils nous écoutent, que c'est pas comme ça que ça se passe une convocation. En fait, quand on veut convoquer quelqu'un, on fait en sorte que la personne ait la convocation. Enfin, en tout cas, continuer à faire en sorte qu'on n'ait pas les convocations comme ça, on se fera pas chier à se déplacer. Donc ça, c'était le mercredi, le mardi. C'était le mardi, mais on n'est plus hyper sûr non plus d'enchaînement parce que c'était un peu... Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine-là. Le mercredi, la première personne dont on parle, la première personne qui se fait arrêter dans le bar, s'est faite relâcher par la police dans l'après-midi. Le jeudi, le matin, un squat a été expulsé. Du coup, c'était le squat de la rue de la Carterie à Nantes, donc un squat d'exilés qui a été expulsé par la police. Avec toute la journée, enfin toute la matinée, même jusqu'au début d'après-midi, des flics qui quadrillaient le quartier, qui cherchaient qui foutaient la pression aux gens, qui cherchaient les gens, et notamment les gens, les exilés, pour essayer de choper ces personnes et de les trouver au moment où ils se baladaient dans la rue, quoi. Du coup, des grosses rondes de flics tout le temps, de la présence de flics, la BAC, la CDI. La CDI, c'est les compagnies départementales d'intervention, la PAF. Police aux frontières. Du coup, ce même mercredi, la personne qui s'était fait arrêter le mardi s'est fait relâcher, donc au bout de 23h30 de garde à vue. Et surtout, suite à l'expulsion de la carterie, il y a une personne qui se retrouve du coup au commissariat. Oui, le jeudi, c'est ça. Elle se retrouve au commissariat et du coup, il y a un rassemblement de soutien qui se tient devant ce commissariat pour attendre cette personne qui vient de se faire expulser de chez elle et qui se retrouve chez les flics et donc peut-être après au centre de rétention, on ne savait pas trop. Donc, on attend des nouvelles. Et c'est là que du coup, la personne dont tu parles, qui avait déjà fait 23h30 de garde à vue, se fait de nouveau interpeller alors qu'elle était devant Valdec en soutien en fait, aux camarades avec plein d'autres mondes. Et peut-être tu veux raconter ou... Ouais, et du coup, il y avait ce truc, la personne qui était en garde à vue a eu peur et a voulu échapper aux flics lors de l'expulsion et a sauté, en fait, par la fenêtre de son étage pour leur échapper. Ça, c'est quelque chose qui a été... Qui s'est fait arrêter à la carterie. La personne qui s'est fait arrêter à la carterie. Ouais, qui s'est fait arrêter à la carterie. A sauté de la fenêtre. Voilà. S'est retrouvée du coup chez les flics. C'est ça. Et en fait, c'était ce rassemblement de soutien pour l'attendre et savoir ce qu'il en était. S'il allait être transféré en CRA, en centre de rétention administrative, ce qui est une prison pré-expulsion en fait, en général. Bah oui. Et en fait, cette personne-là a été relâchée suite à sa conduite à l'hôpital. Où on lui a signifié la fin de sa garde à vue. Ce qui est bien la preuve que c'était juste un coup de pression et qu'au passage, si on peut le foutre en CRA de la part des flics, c'est pas mal. Mais qu'au final, si dès le moment où il est à l'hôpital, ils sont... Comment dire, les keufs se font pas chier à le conserver en garde à vue pour le mettre en CRA, c'est que c'est bien, il y a juste une volonté de répression gratos et de coup de pression tout court. Et voilà, c'était juste une précision par rapport à cette personne-là. Du coup, je vais refaire un petit, pour les gens qui nous rejoignent, un petit résumé. Donc le mardi, c'est la manif, il y a quelqu'un qui se fait arrêter, supposé appartenir au commando Farine et accusé d'outrage à une élue de la ville de Nantes. Elle se fait relâcher le mercredi. Le jeudi, expulsion de la carterie, une personne arrêtée qui est la personne qui a sauté du coup pour ne pas se faire attraper par la police. Donc on est le jeudi. Comme les flics ont procédé ont fait beaucoup de pression là depuis le mardi, donc c'est la troisième journée de pression des flics. Ils cherchent la personne que eux ils supposent qu'a enfariné la maire de Nantes. Et du coup, la personne qui est recherchée finit par aller au commissariat, puisque la police déploie des moyens assez considérables, on va dire, hein, pour chercher cette personne, pour, on le rappelle, de la farine. Du coup, cette personne finit par aller au commissariat accompagnée d'un avocat pour savoir, peut-être pour que les flics arrêtent de la chercher. Enfin, peut-être cette personne pourra expliquer elle-même pourquoi, mais on suppose pour que les flics arrêtent de foutre la pression à tout le monde et de lui foutre la pression aussi, quoi, de foutre la pression à tous les lieux, à toutes les personnes, enfin en tout cas à un certain nombre de personnes qui soutiennent les exilés à Nantes. Et du coup, elle va au commissariat avec un avocat. Et peut-être une demi-heure après que cette personne soit entrée dans le commissariat, les flics sortent du commissariat, arrivent dans le rassemblement de soutien à la personne qui s'est fait choper le matin à l'expulsion du squat de la carterie, et embarquent de force la personne qui était accusée d'outrage, du coup, qui s'était déjà tapé 23h30 de garde à vue à Valdec. Pour une reprise, ce qu'ils appellent une reprise de garde à vue, c'est-à-dire pour la dernière demi-heure des 24 heures qu'il restait à la garde à vue du mardi. Donc cette personne, ils lui ont renouvelé sa garde à vue. Donc là, on est toujours jeudi, toujours rassemblement devant le commissariat. Entre-temps, on a des nouvelles de la personne exilée qui a sauté par la fenêtre. qui est relâché et hospitalisé. Voilà. Et on passe à vendredi. Oui. Du coup, vendredi, on apprend que les deux personnes, du coup, la personne qui est soupçonnée d'avoir enfariné la maire de Nantes et la personne qui est soupçonnée d'outrage, en fait, vont être déférées devant le procureur de la République au tribunal de Nantes, puis devant le juge des libertés et des détentions. Donc, rendez-vous à la fois au commissariat, rendez-vous au tribunal. Et ces deux personnes sont effectivement déférées devant ces deux magistrats et elles vont ressortir le vendredi en fin d'après-midi avec du coup chacune un procès, donc l'un avec un procès pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. 3 grammes de farine. 3 grammes de farine en l'espèce. 3 grammes de farine sur la maire de Nantes et la deuxième personne du coup qui passe en procès pour outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, en l'espèce Aïcha Bassal, qu'on a pu entendre tout à l'heure dans le petit montage de journaux télévisés et qui est élue qui est censée lutter contre les discriminations. Et aussi élue à la vie associative à Nantes. Du coup, ces deux personnes, elles sont sorties en fin de journée. Donc, l'une a fait plus de 24 heures, est restée plus de 24 heures enfermée. Et l'autre aura fait entre mardi et vendredi plus de 50 heures à être enfermée. 50 heures de garde à vue pour un prétendu outrage qui n'est même pas reconnu par cette personne. C'est incroyable, quoi. Voilà, c'est... je ne sais pas trop si c'était facile à suivre. En tout cas, c'était le résumé un peu de la semaine dernière entre expulsion, répression. Et enfarinage. Et du coup, il y a de très belles photos des gens qui se sont rassemblés en soutien, là, qui ont fini par un lancer de farine magnifique et un enfarinage collectif. Peut-être pour un petit peu, comment dire, des... je sais pas comment dire, dédramatiser le fait de se faire enfariner, et Johanna devrait venir à nos stages, à ces stages d'enfarinage pour dédramatiser la chose. Shampoing sec pour les cheveux, Johanna, si tu nous entends. Enfin, Johanna, si tu nous entends, c'est pas sûr que ce soit vraiment de la farine qu'on te lance la prochaine fois. Parce que quitte pas, à se péter 50 heures et plus de 24 heures de gardage, autant lancer autre chose. Pas. Il y a des gens qui se sont fait entarter pour moins que ça, quoi. Et finalement, la tarte, c'est plein de graisse. La farine, bon, ça s'en va avec de l'eau. C'est clair. La graisse, il faut au moins quelque chose comme du savon ou du liquide vaisselle pour que ça s'en aille. Enfin, donc, tout à l'heure, final... dans les recettes, on a vu que si on mettait de la farine avec de l'eau, ça faisait de la colle. Ah. En collé. Et avec la transpiration, ça fait des petits grumeaux. Ah, on a des connaissances techniques hein, maintenant sur la farine. On s'est bien renseigné. On hein. est OP, on est OP. En tout cas, ça montre un peu un truc un peu disproportionné. Disproportionné, quoi. Mais il faut le mettre en valeur, ce genre de choses. Parce que finalement, c'est vrai qu'il y a des gens qui sautent par la fenêtre, qui se pètent les deux jambes et qui se retrouvent beaucoup plus pénalisés que d'autres personnes qui se prennent un peu de farine dans la figure. Et finalement, bon, effectivement, dépositaire de l'autorité, tout ça, effectivement, il y a un statut, il y a un salaire, il y a une notoriété, et il y a aussi une visibilité qui est totalement différente. Mais je suis sûr que cette personne qui a sauté par la fenêtre est peut-être un peu plus modeste, et un peu plus, on va dire, je sais pas, mais Johanna Roland, je pense qu'elle a été suffisamment entourée, elle a suffisamment de personnes autour d'elle, elle est suffisamment aimée et suffisamment entre de bonnes mains pour pouvoir se remettre de son coup de farine. Elle a suffisamment... Et je pense que ce genre de choses, ça vaut le coup de le mettre en valeur quand même, parce qu'il y a un moment, c'est un peu indécent quand même, faut reconnaître. Hein. Plus de raison, plus de temps.